je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu veux pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis. Tu vas du ciel sur la terre.